Moi, d'abord, là, ces activités-là, j'aimais pas ça, là. On dit tout ça, là, mais moi, j'aimais pas ça. J'aimais mieux un souper, un dîner hot dog qu'une activité de financement. Parti libéral, il n'a pas besoin d'une firme de génie pour subvenir à ses besoins. Son génie lui vient naturellement et gratuitement. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Fautier! Wow! Wow! J'ai tout de suite senti que ce public-là est extraordinaire ce soir. Hey, bonsoir tout le monde, il est à 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre la victoire du Canadien de Montréal. Oh oui. Hey, Fred Savard, bonsoir. Et go! Mon Dieu, vous êtes enthousiaste. Ben là, je comprends, le hockey prend toute la place dans l'actualité. C'est une bonne nouvelle, j'étais écœuré d'entendre parler des déboires du PQ, moi. Ouais, c'est vrai qu'on parle juste des Canadiens. Hein? Hey. Tellement que le rapport Ménard a été déposé à 17h45, mercredi soir, ça c'est avant le 7e match des Canadiens. Et go! Oui, je sais, mais il faut quand même en parler du rapport Ménard. En fait, le rapport Ménard, c'est... Ben, voyons donc! Le rapport Ménard, on sait que c'est 4-0, là, c'est correct. Le rapport Ménard, faut lire. Et j'ai l'impression que c'est en dessous du tapis, cette histoire-là. Ouais. Et ça nous a appris de grandes choses. Ah, hein. Oui. Ça nous a appris que c'est Jean Charest, en fait, qui reçoit toute la faute du printemps érable. Ben là, franchement. Bon, c'est pas un rapport de nous le dire, là. Mais quand même, c'est écrit. D'ailleurs, je tiens à remarquer qu'il y a eu peu de casse hein, après la victoire du Canadien. Je veux juste dire ça. Ben en même temps, je veux dire, c'était pas une manif étudiante, frère. Voilà. C'est très dangereux. On le sait que des étudiants, c'est très dangereux. Il y en a un ici dans la salle, oui. D'ailleurs. Très dangereux. Très peur. Bien plus dangereux qu'un mangeux de Doritos ben sous avec un chandail d'Yvon Lambert. Ben, je comprends. Ben, sinon, cadeau, on l'a entendu en début d'émission. Il y a l'ex-ministre Julie Boulay qui nous a offert tout un témoignage à la commission Charbonneau. Hey. Entre ça et une plante verte, là, je vois pas trop de différence. Côté intelligence, là. Ben, canon, quand même, paraît que la plante métabolise mieux la lumière du soleil que Julie. Ah ouais. Hein? C'est ça? Non, mais c'est pas connu, ça. En fait, Julie est peut-être pas au courant qu'il y avait un soleil. Ben, c'est ça, ouais. Ça on comprend pourquoi Philippe Couillard lui a pas donné de ministère cette année. Ben, faudrait d'ailleurs l'avertir que c'est Philippe Couillard le premier ministre. Oui, j'ai vu. Je pense qu'elle n'a pas métabolisé Philippe encore. Non, je pense qu'elle est pas trop au courant. Quoi d'autre? Ah, ben, hey! Vous savez que Yves Desgagnés s'est trouvé un nouvel job? Ah oui? Oui, mais c'est pas une blague, là. Mais oui, alors. Conseiller en français à TVA Sport. Oh boy! C'est même pas une blague! Méchant défi! Oui, ouais, ben disons qu'il faut qu'il reparte de zéro. Hey. Faut tout en même temps, il a réussi à rendre Pauline Marois chaleureuse. Il a réussi? Non, ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ils ont tous une job à faire. Ouais. On a appris quoi? Que les Frères Desmarais aussi nous ont annoncé que la presse papier allait disparaître dans les prochaines années. C'était une grosse nouvelle, ça. J'ai une petite pensée pour Tigil, mon camelot. Ah. Oui, s'il va perdre son emploi, évidemment. Tigil. Tigil. Il n'y a sûrement pas 11 ans pour avoir un prénom comme ça. Il n'y a pas d'âge, Tigil. Hein? Ah non, hein? Non, non, non. Ça fait des années que je l'appelle Tigil, ah moi. Ouais, hein? Mais il va falloir que les camelots appliquent au Apple Store pour vendre des iPads s'ils veulent continuer à distribuer la presse. Ah, hein? Ça va coûter cher d'iPad pour remplir le fond de la litière. Hein? Ah non, mais il y a toujours le journal. Toujours le journal de Montréal pour ça. Ah! Hein? Voyons donc. Il n'y a rien comme la face de Richard Martineau pour favoriser le transit intestinal. Ah ouais, hein? Oui. Le transit de votre chat? Non, du mien. Ah ouais? Ouais. Vous savez que c'est pas une blague. Hein? Richard Martineau n'a pas le droit d'avoir d'animal de compagnie. Ben oui, non. Ben à cause du transit parlant de transit, il y a Stephen Harper qui serait prêt à négocier pour nous redonner le pont Champlain. C'est une très bonne nouvelle, ça. Boy, c'est un cadeau de grec, ça. Oui, mais le Parthénon est encore debout, frère. Ah ouais. C'est une blague de romantique. Antique. De Grèce antique. On l'humour peut même antique. Pas avoir gagné. Ça, c'est une blague pré-Cicéron, ça. On peut même pas avoir gagné d'Olivier, franchement, avec des jokes de même. Il aurait fallu faire des jeux de mots un petit peu plus. Ben ouais, comme Cicéron de Fournier, ça fait le même. Là. Là, on aurait gagné un Olivier avec ça. Colline d'avoir su. Colline de bine. Hey, je sais pas si vous avez vu ça, mais... On est pas en mer, hein? De pas avoir gagné. Hey, ben pas non. Du tout en mer. Voyons donc. OK, on continue. Pas de problème, là. OK, je sais pas si... vous me pompez, là, frère. Ah ouais. Je sais pas si c'est. Ça, c'est pas une blague, là. J'ai lu ça dans la presse de ce matin. Oui. En Finlande, ils ont sorti des nouveaux timbres et ça va être en circulation en automne et il paraît que c'est quelque chose. Ils ont encore des timbres en Finlande. Ils ont ça, des timbres? Ils ont des timbres, mais c'est surtout que c'est des œuvres d'un artiste gay. Ah, hein, en fait, et on voit sur les timbres, c'est pas une blague, on voit sur les timbres, en fait, des foufounes avec une. avec une face d'homme entre les jambes. Pour vrai, j'ai vu la photo. Il y a aussi des photos de mamelons durs. De policiers. Tout nu. Une affaire de fou. Hein, C'est quoi le problème au juste? Ah, ben c'est parce que les autorités ont peur que les lettres ne se rentrent pas. Ah, okay. Non, parce qu'il y a des madames et des messieurs tout seuls qui lichent l'image au lieu du fil d'eau. Les teintes tombent, ça colle pas. Ça colle pas. C'est ça colle pas. Heureusement, nos invités de ce soir, en fait, on espère qu'ils colleront pas après le show. Non, c'est vrai. Boy, on reçoit tout d'abord une légende de la chanson. Tu vis vers les Gildos, hein? Ah, merci. Merci, Fred. On reçoit tout d'abord une légende de la télévision, Madame Shirley Theroux. Ah oui! Ça fait longtemps qu'on travaille. Moi, là, mes premiers souvenirs de télévision, c'est Madame Theroux. J'écoutais les Tannants avec ma sœur. Les Tannants. Vous avez une sœur, vous? Oui. Ça, les Tannants, c'est un croisement entre Call TV et les Appendices, mais avec pas de deuxième degré. Ah, mon Dieu! C'était ça, les Tannants. C'était très spécial. C'était très bon. Par la deuxième degré, on reçoit le toujours très désopilant MC Gilles! Eh, hey, boy! Ça paraît qu'on est rendu loin dans la saison, hein? Vous aurez le temps de dire en pleine face! Parce que la soirée est encore jeune! Bon! Eh, hey boy! Combien il nous reste de temps, cette émission-là? 45 minutes. OK. Oh là là, Madame Theroux, c'est pas encore votre temps. Oh, ça n'a là. Hop! Oui, dans la saison, on dit Theroux, c'est T, hein? Vous êtes des. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. On a peur d'être rendu à Wagner. On a Frank Zappa, la dernière. OK, hey, Olivier. Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir que Richard Martineau a été victime d'un coup de téléphone à son émission de télé alors que quelqu'un a appelé pour dire qu'il faisait caca. Ben oui. Bon Dieu, tout est dans tout. C'est une thématique. Un des moments les plus pertinents de l'émission, d'ailleurs. OK, on bon. On passe au courrier des auditeurs. Ben d'abord, David Alexandre Marié veut savoir qu'est-ce que vous auriez dit à Milan Lucic en lui serrant la main après le match numéro 7? Ouais. Mais moi, j'aurais dit félicitations pour ton beau travail et bonne chance pour l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis de même, moi. Ah, ben ouais. Patrice Loisel demande quel est le meilleur ami de l'homme, le pog ou bien le chien chouchis? Veuillez aller avec aucune de ces réponses. Et enfin, René Picard veut savoir, vous avez invité MC Gilles, alors qui s'est désisté? Ben, en fait, on devait recevoir Julie Boulay, mais malheureusement, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant. Pas au courant. Non, il faut faire le lien avec le T. C'est ça. OK, parfait. Hey, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe! Mais comment allez-vous, bon Dieu de merde? Ah, merci. Vous? Bon! Alors, ben, vous le savez, Jean-Philippe, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Depuis quelques jours, on assiste à un mini-mouvement ici à Radio-Canada. Oui, un transit qu'on appelle. Un transit, donc des personnalités seniors qui, face aux coupures, décident de quitter le navire de leur propre aveu pour laisser de la place aux plus jeunes. Et ça a commencé donc la semaine dernière avec deux journalistes vedettes de la CBC. Ouais. Et cette semaine avec une personnalité du segment francophone de Radio-Canada. Et évidemment, ici à l'émission, la soirée est encore jeune. On était très, très, très touchés par ces initiatives-là. Et je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est leur dire merci aujourd'hui. Mmh. Alors, j'ai avec moi ici des fleurs, du chocolat, une carte de remerciement signée par tous les jeunes de Radio-Canada. Et ça s'adresse à la personnalité francophone qui, cette semaine, a annoncé son départ. Alors, Jean-Philippe... C'est très délicat, ça, oui. Jean-Philippe? Oui. Chut, okay, chut. Vous allez la surprendre, là. Oui, voilà. Alors, je m'apprête à cogner à la porte du bureau de cette personnalité. OK. Et c'est René Aumirois. Non, non, Jean-Sébastien, non, c'est pas lui qui prend sa retraite, mon Dieu. Là. Non, il commence, lui. Ben non, voyons donc. Mon Dieu, je suis mal, Jean-Philippe. C'est épouvantable. Ben là. Ôtez-vous de là. Première fois que je me sens aussi mal en ondes. Si c'était juste de moi, Jean-Philippe, je quitterais l'émission ce moment-là. Ben oui, mais allez-y, voyons donc. Retenez-vous pas. Oui, Jean-Philippe. Oui, ben là, ben c'est ça. C'est pas René, franchement. Quelle la boulette. Jean-Philippe. Oui. OK, mon Dieu! Alors, je me prépare à réparer mon erreur et je me dirige vers le bureau de la bonne personne. Oui. Le bureau de Simon Durival. Non, mais Jean-Sébastien, c'est pas lui qui s'en va. Voyons donc! Mais voyons, encore la boulette, Jean-Philippe! Ben franchement! Allez-vous-en! C'est qui le vieux qui s'en va? C'est-tu Franco Nuovo? Non! Il a l'air vieux, mais il est encore jeune quand même. Mais c'est qui, Jean-Philippe? Ben voyons donc, c'est Mme Marie-Claude Lavallée! Marie-Claude Lavallée, vous le savez très bien, Jean-Sébastien. Ah, la madame des docteurs. Oui, de RD Santé, exactement, c'est ça. Ah, bon, alors je vais aller la surprendre à mon tour, mais je vais vous revenir dans 5 minutes parce que je crois que son bureau est dans le 3e sous-sol, Jean-Philippe. Bon, ben perdez-vous pas le beau, hein. Vous êtes bien fin. OK, bye. Fred, notre premier invité. Elle a connu ses heures de gloire dans les années 70 et 80, donc si vous êtes un Y, voici une légende de la colonie artistique québécoise, Madame Shirley Theroux. Wow! Hey! Mais oui. Ben, soyez-vous, je vous en prie. Mon Dieu! C'est sûr que c'est pas Studio 42, là, mais on fait ce qu'on peut. J'aime ça, la légende. Ben, attendez. C'est une légende. Pour vrai, c'est une vraie légende. Je pense que oui. Ben oui. Ça fait plaisir de me rencontrer. Ben là, ben oui, discutez avec vous-même. Hey, ça fait bizarre quand même, hein? Ben attendez un peu, là. Oui, oui, je t'écoute, Jean-Philippe. On était très heureux de vous recevoir, hein? Oui, merci. Mais il faut avouer une chose. Des gens de notre équipe, pour pas le nommer Olivier Niquette, ne savaient pas trop qui vous étiez. Se disaient, mon Dieu, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qu'on connaît pas comme ça, nous, notre génération? Alors là, moi je t'ai insulté bien raide parce que il manque de tact. Mais je me disais, qui de mieux que Charlie Théroux pour nous expliquer aux jeunes qui sont ici, dont le petit Félix qui est encore plus jeune que moi. Bonjour Félix. Qui est Charlie Théroux? Oh my God, ça va être combien de minutes avons-nous? Ah ben écoute, on a eu 8-9 minutes, là, facile, facile. Je suis pas obligée d'être là, je peux m'en aller aussi. Ah non, tu peux rester, okay, j'aime ça quand t'es présent. Oui, non, je suis là. Bon, donc, qui est Charlie Théroux? Charlie Théroux, c'est une artiste qui a débuté en 1963. Oui. 1963. Félix n'était même pas dans aucune pensée de qui que ce soit. Je pense que ses parents n'étaient pas même pas tes grands-parents pensaient à tes parents. Et c'est une artiste qui voulait faire carrière. C'est mon rêve. Le rêve de ma vie, c'était de chanter. Ouais. Et de faire la carrière que je fais depuis 51 ans maintenant. Quand même! Elle n'est pas payée, là, les gens. Ben là, les gens sont... pas payés. Moi, je retiens. Les jeunes aujourd'hui, là, ils veulent juste être connus. Ouais. Vous voulez chanter, vous voulez faire quelque chose. Oui. Ça, c'est bien, ça. Mais moi, je voulais chanter, puis sais-tu quoi? Ouais. Je veux encore chanter. Bah, arrête donc. Ouais, ouais. À votre âge. Ah, ouais, puis je ne chanterai pas, là. Laissez-moi encore chanter. Mais non, franchement, ça, c'est gênant. Je ne vous ferai pas ça. Je vous ferai pas ça. Ben, j'espère bien. Non, mais je m'en vais faire de la scène, toi. Il y a tellement de karaoké maintenant à Montréal. Il y en a partout. Ah! J'ai une gang d'amis qui font ça, qui ont bien du fun. À faire du karaoké? Oui, je sais pas. C'est bien spécial. Un jour, quand je prendrai ma retraite... Mais comment ça, vous n'êtes pas encore à retraite, vous? Ah, tu es fou. C'est ben quoi, non, ça, la retraite? Ben, c'est parce que... Je vais te dire quelque chose. Des fois, il faut laisser la place aux plus jeunes. Ben oui. Ah oui, Marie-Claude, d'ailleurs. Marie-Claude Lavallée, ben oui. Marie-Claude Lavallée l'a fait. Oui, c'est un bel exemple. Mais moi, regarde, j'ai juste ma place. Je ne vole pas. J'empêche pas personne de... Moi, dans ce métier-là, là, ouais. Jean-Philippe, toi, ça fait combien d'années fais-tu ça? Ça fait des dizaines de mois. Quelques lunes. Vous avez quelques lunes. Ouais. Mais tu peux juste prendre ta place à toi. Oui, bien, mais ça... Mais je pense... le sais qui apprend. toi aussi, mon beau vrai. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment... Toi et tout, mon pitou. C'est le temps qu'ils apprennent aussi. Et puis, il n'est plus du jeune âge. Non. Tu sais, il se garde. C'est son blanc, c'est... Non, c'est un beau blanc. Oui. C'est un beau blanc, Fred. Mais on va arrêter de parler de Fred. Parce que là, je trouve que Charlie Théroux, on n'en a parlé pas assez. Là, et je pense que les gens ne comprennent pas à quel point c'est une légende qu'on a devant nous ici. Le premier hit de Charlie Théroux date de 1965. Fred avait 12 ans. Et c'est la pièce « C'est beau un homme ». C'est beau un homme. Oui, regarde. C'est encore beau un homme regarde, en 2014. Mon Dieu, je te regarde te placer comme ça. Je me recule un petit peu. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Est-ce que tu voudrais le compliment? Oui, c'est beau un homme. Mais est-ce que c'est... Bon, merci bien. Mais non, je vais le prendre personnellement. Mais est-ce que tu as bien écouté les paroles de cette chanson? Ben oui, mais c'est justement, j'allais en parler des paroles de cette chanson-là. Donc. Parce qu'on est quoi? On est 40... quasiment 50 ans. Mon Dieu, Jésus, c'est plus jeune, cette chanson-là. Bon, c'est 50 ans plus tard, je relis ça, là. On est toujours fiers de se montrer au bras d'un homme. C'est vrai. C'est brutal, un homme. En colère, c'est terrifiant. Ça casse tout, un homme. Oui, Seigneur c'est vrai. Dieu, c'est... C'est vrai. C'est encore ça? Oui, oui. Puis après, continue. C'est loyal, un homme. Ouais, c'est pas vrai, ça. Ben non, ça, c'est ça, je veux dire. Hey, ça, à 50... Je peux te dire que 50 ans d'expérience, de carrière, c'est pas loyal, un homme. Ah non! Ben, hey! Voyons vois. Donc! D'ailleurs, aujourd'hui, quand je le chante, là, je dis, c'est loyal, un homme, dit-il. Ah! Mais j'ai rajouté ça. Mais ça dépend, faut trouver les bons. Ah, oui. Oh boy. Il y en a des bons. Ben oui. Mon fils, c'est un bon. Bon, parlant de ça, parlant des bons, là, on va parler de Pierre Marcotte. non, mais parce qu'on en parlait au début, Les Tannants, ben oui. Qui est une émission qui a marqué beaucoup de gens. Ben bon, des gens plus vieux que moi. On s'entend. Mais oui, c'est correct. Non, c'est correct. T'as le droit d'être jeune. Ben, je le sais, c'est pas un crime. T'es jeune, moi aussi. Ben oui, il fait longtemps, puis c'est correct. Oui. Mais les tannants, tu sais que ça se passe entre les deux oreilles, la jeunesse, hein? Ah, pas tout le temps. Et non, mais je veux dire, en même temps, Fred est un homme très jeune dans sa tête. C'est fou. Ouais. Il manque de maturité. C'est un jeune fou. Mais tu, on voit qu'il tombe quand même. Oui. Les morceaux sont plus... c'est vrai. Plus, ben, non, mais c'est vrai quand même. On l'aime pareil. Mais parlons des tannants, parce que oui. Les tannants, il y a quelque chose d'intéressant. Oui. C'était devant public. Oui. C'était une émission qui était enregistrée avec Pierre Marcotte. Oui. Votre ex-époux. Oui. Joël Denis. Et Joël Denis, oui. Votre ex-époux. Non, c'est pas vrai. Daniel était là. Daniel est-tu? Non, ben c'est ça que vous confondez, là. Ah, mon Dieu, Fred. Avec les coqueluches? Hey, ça, y a pas... Non, c'est parce que... Vous savez qu'il y a personne qui sait. Non, écoutez-moi, tout le monde. Oui. Écoutez-moi, là. Hey, non, non, mais écoute bien, oui. Sérieusement. Oui, oui. Tout le monde est sous l'impression que moi, j'étais encore présente au moment de la piscine. Ah. Mais tout le monde, ça, c'est qui? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant tout le monde que ça. Tout le monde du Québec. OK, OK. Mais toi, tu n'étais pas là. Non, là. C'est ça, je disais. Tous ceux qui regardaient okay. l'émission. Et qui sont okay. encore en vie. Alors, moi, j'étais okay. là le midi. Bon. On a une personne avec... hein, vous en souvenez-vous? Bon. Bon. Bon. Alors, mais il y a des... Midi. Moi, j'étais là le midi. J'ai débuté la soirée avec Giguère. Oui. OK? Oui. Non, Auréal. Paul? Mais non. Rémi? Avec le fils. Le fils de Réal. Simon. Marcel. Marcel. Le fils de Marcel. Oui. Mais non, mais je... Roger. Roger. Ouais. Et écoute bien. Oui. Alors, tu sais qu'il y a des gens là qui m'obstinent, qui m'ont vu tomber dans la piscine. Ah, ben ça, j'étais fou, même plus là. J'étais plus là. On n'avait pas d'enregistreur faire un bébé. Numérique. Ben, hein? J'étais en train... Ben oui. C'est qui était là? C'est Christine Chartrand? C'est Christine Chartrand qui vous a remplacé? Anne-Renée, Christine Chartrand, Louise Latraverse, il y en a eu quatre, là. Bon. On perd du monde, Fred. Ah, mais pas tant que ça. Ben ah! Non, mais je dis. Mais pas non, là, bon. Pas là, pas là. Vous êtes à Radio-Canada. On les perd, jeunes, on n'a pas tant que ça. Ah, on perd les jeunes, puis ben les vieux, on les perd littéralement. Fait que là, faut okay. se dépêcher, là. OK, Jean-Philippe, ouais. Les tannants. OK, non, mais là, on en a assez parlé des tannants, on a brûlé le sujet. Mais il y a quelque chose qui fait que vous revenez dans l'actualité, ma belle Shirley. Oui, c'est quoi? Vous venez d'en disquer avec Jacques Brel, un petit nouveau aussi, j'ai l'impression. Et non, mais ça faisait longtemps. Que vous n'aviez pas fait un disque, 20 ans. Oui. Pourquoi attendre 20 ans pour faire un disque? Ben parce que j'avais pas de demande. Alors, c'est comme il n'y avait pas de maison de disque qui m'appelait, okay. J'ai décidé moi-même, j'ai fait, moi, le rêve de ma vie, un autre. Moi, j'ai que des rêves, hein, que je réalise. Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Alors, j'ai pas attendu après personne. J'ai dit, c'est ça que je veux. J'ai toujours rêvé de faire un album de Brel. Alors, j'ai appelé mon ami, mon vieux complice Georges Tremblay. Puis Georges, ça prend combien de musiciens? Il dit, idéalement, ça en prendrait 28. Ah. J'ai dit, parfait. On entre en studio et j'ai réalisé, mais j'ai fait ça avec des vrais musiciens, comme on faisait à l'époque. Avec 28 musiciens? 28 musiciens. Bon, vous avez mis votre maison. Réalisation, Guy Saint. Oui, j'ai hypothéqué ma maison. C'est pour vrai? Vas-tu m'aider à payer, toi? Non, par exemple, non. Mais je trouve ça très beau, quand même. Mais je ne vous aiderai pas. Pas une scène. Ah, non? Non. Ben, t'en fais tellement ici. Hein? Ah, ben, à Radio-Canada, vous le savez, hein? Oui, je le sais. J'ai déjà travaillé ici quelques fois. Non, à votre époque, ça devait être le fun. Hein? Oh, c'était très oui. C'est ça. C'était ben, très, très, très. De nos jours, je vais vous dire, on rentre les fonds de tiroir pour se payer. Hein? Non. Non, c'est plus la même Graton, chose. Mon frère, Graton. Là, on vous, oui. Vous savez que MC Gilles est un grand fan de Shirley Theroux, hein? Vous savez ça? J'ai appris ça, ben, toi. Ben oui, on va le recevoir tout à l'heure. Mais rapidement, un dernier sujet que je veux couvrir avec vous, okay. Et ça n'intéressera pas les gens, mais là, ils sont plus là, anyway. Fait que... on va en profiter. Moi, j'ai grandi à Ville-de-la-Baie. Oui. Et à Ville-de-la-Baie, il y avait un centre d'achat. Oh, là qu'on passe du monde. Attendez un peu, c'est un petit village. Ça rejoint les gens qui survivent dans des petits villages. Et il y avait un centre d'achat à quatre magasins. Et ce centre d'achat-là était propriété de Pierre Marcotte. Oui. Et il y avait aussi dans ce centre d'achat-là une animalerie qui s'appelait... Non, il y avait une boutique de vêtements pour enfants. Ah, mon Dieu. C'est pour vous dire. Jean-Philippe a tendance à mélanger enfants. J'habillais mes animaux, là, faut dire. Une boutique de vêtements pour... Shirley Toutou. Shirley Toutou. Ben, ça s'appelait Shirley Toutou. Ah oui. Mais vous, comment voulez-vous que je mêle passer avec une animalerie? Mais je m'habillais chez Shirley Toutou. Ma mère me dit qu'on achetait du linge pour oh, moi. Oh, il y avait des belles choses. On m'a confondu longtemps pour une fille, par contre. Toi, oui. c'était une boutique unisexe. Ah! C'est avant le temps. C'était avant le temps. Moi, j'ai toujours été avant mon temps. Mais vous avez tout fait, vous. Restauration avec la boucherie. Oui. Shirley Toutou pour le vêtement pour enfants. Oui. Vous avez marié Pierre Marcotte. Vraiment, là, vous avez été partout. Mais là, ouais. On arrête ça là parce qu'on va avoir MC Gilles qui a l'air à s'ennuyer. Maintenant, ouais. Lui, quand c'est plus de la TV, sans ça. On revient dans quelques années. Vous restez avec nous, hein? Ah, ça me fait plaisir. Je voulais pas faire de bière. Voulez-vous une bière? Mais je prendrais une blonde. Ah, mon Dieu, que ça va. Il en reste plus. Ben non, il en reste, regardez ça. Oui, ou une rousse. Non, ben ça valait une blonde. Moi, une blonde, une blonde. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben il y a votre seule fan qui était encore en vie qui vous offre une bière, dans le fond, là. Bon, vous restez là 30 secondes. Ben, au moins, j'ai un fan. Ben non, je sais bien. On va se dépêcher avant qu'il te répasse. OK. On s'en va. On s'en va retrouver. Elle m'a trouvé un deuxième. Il est là. Ah oui. Ça me fait plaisir. Ah mon Dieu. Je vais même vous donner un bec. Ah! Ah, c'est comme... Est-ce il est que... content. Ah, ben, on va être donc de capable. Est-ce que, ah, est-ce que quelqu'un lui a dit que c'était de la radio? OK, hey, on s'en va retrouver Serge quelque chose en direct d'une vente de liquidation qui devrait faire plaisir aux amateurs de hockey. On écoute. Hey, salut tout le monde, c'est Serge quelque chose en direct du dépotoir Miron jusqu'à demain midi pour la grande vente de liquidation des Bruins de Boston. Tu te cherches des reliques de club de loser, tu veux de l'amertume en boîte, tu te cherches du bois de chauffage, ben viens nous voir parce qu'on a toutes sortes de cochonneries à vendre en rapport avec l'équipe bostonnaise qui joue maintenant au golf swing. Parlant de swing, on a des jolies marionnettes à l'effigie de Brad Marchand avec les deux petits bras là, qui donnent des petits coups de poing, c'est le fun parce que c'est vraiment un soccer qui donne des soccer punch. On a également des belles peaux d'ours à liquider, idéales pour les mettre devant votre entrée pour piler dessus ou encore pour mettre devant votre foyer pour, tu veux dire, oui. On se comprend là-dessus d'ailleurs. On a également des gars de bichet à l'effigie de Claude Julien. Comme le dit ma blonde chaque fois qu'elle le voit à la télé, mais nous, il y a une tête de gland, lui. Alors on a pensé en faire des dildos. C'est un peu weird, mais en même temps, de ces affaires-là, il en faut pour tous les goûts puis les fans de Boston. L'été, ils vont trouver ça long, alors aussi bien avoir l'entrejambe occupée. Puis inquiétez-vous pas, on a la version pour enfants. C'est un monsieur patate, jaune et brun. Pour les collectionneurs, on a des bouts de cerveau dans le formol de Patrice Bergeron. Après 6 commotions cérébrales, le cerveau lui dégoulinait des oreilles. Alors on en a ramassé des morceaux, ça peut être idéal pour un party d'Halloween. On a également des lots de cartes de souhait Milan Lucic. Ce sont des cartes parlantes. Quand on les ouvre, on peut entendre « I'm gonna fucking kill you next year » de la belle poésie de Boston. Et ça vient avec un kit de vasectomie aussi signé par Milan. Ça comprend un bâton de hockey et vraiment peu de courage. Alors on est ici jusqu'à demain midi pour la grande vente de liquidation des Bruins de Boston. Parce qu'à midi et demi, on regarde Canadien. Oh yeah! Mon Dieu, là, ça, c'est l'époque de Shirley Toutou, l'animalerie. C'est un beau moment, ça. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard, Jean-Sébastien. On n'a pas de Godmichet, par exemple. Ah non? Ben, c'était pour enfants en même temps. On va aux enfants. C'est ça. Et que vous aviez du goût. Jean-Sébastien! Madame Toutou, c'est à moi, là. OK. Hey. Mon Dieu, on va y laisser son temps d'antenne, lui. Oui, alors, Madame Toutou, Jean-Philippe, je suis toujours donc dans le bureau de Madame Marie-Claude Lavallée, qui, on le sait, a annoncé son intention de quitter Radio-Canada pour laisser la place aux plus jeunes. Madame Lavallée, bonsoir. Bonsoir, Jean-Sébastien. Alors, voici des fleurs pour vous, mais avant de vous donner les fleurs, le chocolat, les bouteilles de vin, je veux juste m'assurer d'une chose. Est-ce que vous êtes vraiment aussi vertueuse que vous le prétendez? Je veux dire, dans le fond, est-ce que vous n'étiez pas déjà due pour la retraite? Là, laissez-moi vous expliquer deux choses. Oui, je ne suis pas un exemple de vertu. Je pense que, ça je tiens à le dire, si on relit ma lettre que j'ai publiée dans Facebook, je parle d'une mûre réflexion, longue réflexion. L'idée de faire une place à un jeune vient à la fin de la lettre quand je salue mes petits loups dans la salle des nouvelles que j'aime tant et les jeunes de cette boîte en disant simplement que tant mieux si en partant je fais une place à un jeune, j'en suis très très heureuse. Mais en même temps, il ne faut pas me mettre ça comme si j'étais Sainte-Marie-Claude. J'ai aussi des grandes réflexions à moi, sur moi et sur ma vie. Oui, mais justement, le lu votre lettre Facebook et vous dites en terminant, si mon départ permet de garder ne serait-ce qu'une seule personne d'entre vous, ça sera toujours bien ce prix. Est-ce que c'est vraiment la solution, Mme Lavallée, dans la mesure où on vous aime beaucoup, vos collègues le disent unanimement, on vous aime beaucoup. Si vous sauvez une seule personne et que cette personne-là, c'est Olivier Niquette, est-ce qu'on est vraiment plus avancé? Je pense que oui. Parce que Olivier, c'est la jeunesse incarnée. Ah ben là! Non, c'est vraiment la jeunesse incarnée. Ah ben là, ben oui. Non, moi, je suis tout à fait pour. Je continue à jaser avec la délicieuse Marie-Claude Lavallée. On se retrouve dans quelques minutes. Et là, on va faire la rétrospective de ses 35 ans de carrière à Radio-Canada. Merci, Jean-Sébastien. Vous écoutez La soirée d'Antoine sur les ondes. Ici Radio-Canada Première, l'émission qui n'est absolument pas amère de ne pas avoir gagné un Olivier dimanche dernier Seigneur. Fred! Oui, alors, permettez-moi d'en revenir sur mon expérience du gala des Olivier. Ben là! Je sais, ça commence à dater, c'était dimanche dernier, mais quand même, l'actualité est un peu cheapette cette semaine. Ben, et bon, oui, je pourrais parler du Canadien, mais qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Canadien? Et mine de rien, le gala des Oliviers nous a valu quand même énormément de courriels, ça m'a étonné, beaucoup de courriers. Mais en fait, j'aimerais d'abord m'excuser auprès des gens qui organisent ce gala. Et auprès de tous ceux qui évoluent au sein de cette industrie, bien que le mot évolution est peut-être un peu fort ici, mais j'aimerais quand même m'excuser, parce qu'étant un être sensible, bien que membre de l'UDA, je masque souvent mal mes émotions, et j'ai bien peur que dimanche dernier, j'ai peut-être heurté des gens avec ma maudite grosse face de bœuf qui a duré 4 heures. Comme on dit dans la langue de Justin Trudeau, j'ai peut-être sucé la vie de l'aparté avec l'ennui qui suintait de tous les pores de ma peau. Je me suis rendu compte pour la première fois en 3 ans que je déteste profondément assister à un gala, et peut-être particulièrement au gala des Oliviers. Certaines mauvaises langues diront que c'est parce que notre émission n'a jamais gagné le trophée, et je dirais franchement, c'est donc ben n'importe quoi. D'ailleurs, ces mêmes mauvaises langues ont trouvé que j'en ai peut-être mis un peu trop quand j'ai annoncé, quand on a annoncé que l'émission la semaine prochaine gagnait pour une 3e année d'affilée, que les gens sont méchants. Moi, j'en reviens pas. J'étais content vraiment que ce soit une émission j'étais de la grande tour brune ben oui. qui l'emporte, le trophée. Eh bien, franchement, si ça avait été les délires de Marteau qui l'emporte, tu sais, celui qui a un tuyau pour lancer des patates dans les foufounes dans les bars de Québec, là, je n'aurais pas crié aussi fort, sincèrement. Ah, bon. Et j'aurais peut-être crié moins fort également si ça avait été les Bronzés font de la radio qui avaient gagné. Je n'ai rien contre cette émission, évidemment, mais quand on sait que dès le 23 août, la soirée est encore jeune sera en onde 4 heures par semaine, alors qu'une saison complète des Bronzés a duré à peine 8 heures, j'aurais probablement perdu confiance en nos institutions s'ils avaient remporté la statuette. Et j'aimerais également dire à ces auditeurs qui nous ont écrit pour dire que M. Lagu aurait pu profiter de sa tribune pour dénoncer les récentes coupures à Radio-Canada, eh bien, j'aimerais dire à ces mauvaises langues de pas fin que l'envie ne lui a certainement pas manqué, mais il y avait tellement de gens à remercier qu'il a manqué de temps. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Alors, tout ça pour dire que j'aimerais rassurer tous les artisans du mot que je ne leur ferai plus jamais subir ma mauvaise humeur lors c'est du prochain gala des Oliviers, car jamais plus je ne me taperai le tapis rouge où les journalistes sont à peu près toutes des minettes de 22 ans qui, évidemment, n'ont aucune culture autre fait des bandes et leur nombril encore humide. Je n'aurai plus à me taper un gala qui dure 18 heures pendant lesquels on se doit d'avoir un sourire étampé dans le visage et faire semblant qu'on s'amuse malgré 10 pauses publicitaires de 4 minutes. Je n'aurai plus à me taper non plus l'après-party où on tente de rentabiliser l'investissement de 160 pièces le billet du gala en buvant du vin bas de gamme mais gratuit tout en devant partager le même espace que d'autres minettes qui ont gagné un concours à c'est quoi et qui pensent que parce qu'en s'habillant serré, elles vont tromper le vide de leur existence avec un humoriste bas de gamme vaguement trop latique. On l'avait sur lui, c'est ça, je n'aurais plus à me taper tout cela parce qu'aujourd'hui, Jean-Philippe, j'ai fait la promesse solennelle de ne plus jamais assister à un gala des Oliviers. Oh, c'est correct, je fais mon deuil de remporter un jour ce prix, mais en même temps, mes humoristes préférés ne l'ont jamais remporté et ont une belle carrière quand même. Je pense ici à Pierre Desproges qui n'a jamais remporté d'Olivier. Cholet Théroux, Madame Toutou, non plus. Et vous êtes très heureuse. Et bien honnêtement, quand on sait que Mesmer a déjà remporté un Olivier, je pense que c'est tout à fait réconfortant de ne pas partager de points communs avec lui. De toute façon, un trophée, j'en gagne un à chaque vendredi lorsque j'ai le privilège de m'adresser à nos auditeurs. Oh! Oh! Hey! Oh! Wow! Ouais. Bon, on vient de clairer beaucoup d'invités potentiels pour l'année prochaine. Hein? Merci beaucoup, Fred. Il n'y a rien d'attaché dans votre contrat pour l'année prochaine. Hein? Vous savez, de ficelle. Les une grosse pelote de ficelle. Oui, monsieur. Bon, on va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Ah, mon Dieu, j'ai essayé les malaises en ondes. Franchement, alors, je suis toujours avec cette grande dame de Radio-Canada, Mme Lavallée. Oui. On va revenir un peu, si vous le voulez, sur vos 35 ans de belle carrière à Radio-Canada. Mm-hmm. Alors, pour les plus jeunes, vous avez été chef d'antenne de grands rendez-vous du service d'information à la télévision, animatrice de plusieurs émissions télé, radio, consacrée entre autres à la culture, à l'économie. Beaucoup de boulot, sans arrêt. Sauf une toute petite année sabbatique où vous avez complètement disparu en 2012-2013. Pourquoi exactement? Mais j'ai pas disparu, j'étais à Espace Musique. Oh mon Dieu, la boulette! Encore une boulette en même temps? Boulette. Je suis témoin de boulettes, moi, là. Oui, là. Je suis boulette. Témoin de beaucoup de boulettes. Bon, non, Espace Musique, à me lever à 3 heures de la nuit, faire la Morning Woman. Un gros défi. Oui. Ça vous a permis un peu de goûter à l'avance ça allait être quoi la retraite, donc vous ne serez pas complètement déstabilisé. Aussi, Madame Lavallée, vous avez été un peu traînée dans la boue par le comédien Marc Labrèche avec ses imitations de vous, alors que vous animiez l'émission qui s'appelait RDI Santé. Est-ce que honnêtement vous trouvez ça drôle ou vous étiez un peu insultée qu'on vous traite un peu comme si vous aviez le quotient intellectuel de Marie-Lou? J'étais honorée parce que la brèche est drôle et Coquereau est aussi drôle. Les deux ensemble, c'était absolument tordant. La première fois, on fait le show, mais après, on s'habitue et puis on apprend à boire de l'eau, on apprend à savoir c'est quoi des coudes. Et puis on apprend aussi comment faire un grand débat pour ou contre sur les mentons. Mais honnêtement, vous êtes pour ou contre les mensonges? Écoutez, moi, tant qu'il y en a un seul, je suis tout à fait pour. Madame Lavallée, évidemment, on pense à votre avenir. Vous avez dit quand même que vous n'étiez pas très, très riche, que vous allez devoir quand même accepter des petits contrats. Vous aimeriez quoi exactement pour l'avenir? Ben, je n'haïrais pas du tout la job de Jean-Philippe. Là. Ben, je l'ai vu tantôt, Yannick. Gauthier? Oui, c'est Gauthier. Mais vous savez, Madame Lavallée, qu'on sera de retour l'année prochaine pendant 4 heures. Il paraît que vous êtes comique. Ben, c'est-à-dire, je peux l'être. D'ailleurs, j'aimerais bien postuler comme script chez vous ou imitatrice. De temps en temps, ça m'arrive d'en pousser une. Ben, vous savez que le contrat de Fred n'est pas signé, hein? Le contrat de Fred n'est pas signé. Alors, je vous invite à passer une audition. Faites-moi un petit numéro comique spontanément, comme ça maintenant. Jean-Sébastien, tu es un garçon formidable. Il faudrait que tu fasses un album. Je suis sûr que tout Montréal va acheter cet album. Je t'aime. Mon Dieu, Jean-Philippe! Je pense qu'on a vraiment une nouvelle collaboratrice pour l'année prochaine. Ben. On se le dit. Je pense que Fred va devoir vendre son scooter. Pour payer son logement. Acheteuse. Évidemment, le public se meurt probablement de poser aussi des questions à Mme Lavallée. Oui. Alors, on vous invite à le faire, évidemment, en nous écrivant à lasoirée@radio-canada.ca. On y répond dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ah, merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. C'est un immense plaisir de faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK. Merci. Bye. Deuxième invité. On peut le voir à l'émission Infoman, on peut l'entendre au 98.5 et on pourra également le regarder bientôt dans l'anonymat de l'Internet. Voici le gentleman de la quétainerie, Monsieur MCG! Hey! Hey! Ça sera pas long, j'embrasse Madame Toutou, OK? Ça va me revenir. Bon, l'homme... Ça va bien, c'est Gilles. Ça va bien. Ça hey, va bien. C'est j'aime beaucoup tes entrevues qui commencent par hey. C'était meilleur. Ça ressemble un peu au remerciement qui commence par hey. Hey, oui. C'est spécial, hein? On garde des élevés pour remerciements. Ben oui. C'est qu'il y en a qui veulent gagner puis qui gagnent pas, en l'occurrence vous autres, et nous, ouais, qui veulent pas nécessairement gagner, qui gagnent. Et mais, la vie est mal faite. Mais on a la classe de se préparer quand même. Ouais. Non, mais d'habitude on invite MC Gilles pour boucher un trou. Oui. Mais là, non. T'es un invité légitime. Qu'est-ce qui se passe? Ben t'es, mon Dieu, t'es partout. Ben, t'es partout. Toi aussi, je viens d'apprendre que tu vas faire comme 14 heures de radio et de télévision la semaine prochaine. Oui, monsieur. Ben, comme toi, hein. Oui, mais moi, je suis le sidekick, tandis que toi, tu vas être... Non, mais à ton émission là, de Radio Amateur, là, c'est ISM. Oui, je fais 2 heures. Ouais, ben mais je ne suis pas payé, contrairement à toi, qui est grassement payé. Mais tu sais qu'à Radio-Canada, on n'est pas payé, vraiment. Non. Mais nous, deux, mais nous deux, de toute façon, on est la vieille relève. Parce qu'à une certaine époque, la relève, c'était 17-18 ans. Moi, j'ai 41 et les gens me demandent encore. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent? J'ai aucune idée de ce que les jeunes pensent. Mais non, je sais bien. Ils ont 21 ans de plus jeunes que moi, les jeunes. Je sais bien. Mais à Radio-Canada, je suis dans les plus jeunes. T'es ah dans oui, les plus oui, jeunes oui, aussi. Oui, ah oui, clairement, moi. À l'autre station, là, où je travaille, je suis un des plus jeunes aussi. Puis moi, le hip hop puis tout ça, je connais rien là-dedans. Là, fait que c'est bizarre ce qui se passe, sincèrement. Mais non, je sais, mais justement, parlons de jeunesse. On le disait tout à l'heure, MC Gilles est un grand fan de Shirley Theroux. Oui, j'ai demandé 2 autographes quel dans ma beau, vie. Oui. Oui, oui, oui, oui. J'ai demandé 2 autographes dans ma vie et Shirley est un des deux. Ben voyons donc. Oui, l'autre étant Patrick Laxette. Non, c'est pas vrai. L'autre étant Mitsu. Bon, mon maman. Ah, parce oui? que Shirley est mon fantasme d'enfance. J'ai des photos chez moi où je regarde en couche Shirley à la télévision. Paraît-il que moi, j'étais très crieur et brailleur et tannant. C'est sûr. Et j'étais tranquille quand Shirley chantait à la télé. C'est le seul moment où j'étais gentil. Pour vrai? J'ai des photos. Oui, j'ai des photos de ça et tu les ai promis d'ailleurs pour ta page Facebook. On se dit-tu oui, parce qu'on se connaît. Mais oui. Et ben, j'étais. C'est sûr. Avant de faire la télévision, j'étais allé à Il y a plein de soleil. Oui. Et on était 4 jeunes qui étaient dans la foule. Parce que, ils nous avaient assis en avant et ça m'a permis de rencontrer Shirley, signer des autographes et tout ça. Et mon idole d'adolescence, ouais, ce fut Mitsu. Bon, pour d'autres raisons qui seraient trop longues d'expliquer. Non, je pense que c'est clair ça. Voilà. Mais Donc, c'est vrai ça que je l'aime. Et donc, j'ai les bons vieux records 33 tours longue durée. Je trouve ça merveilleux. Puis je trouve ça fun que vous l'invitiez parce que c'est une légende. Puis on je le sais que c'est une légende. Mais tout le monde était d'accord sauf Olivier Niquette. C'est pas grave, Olivier. Mais non, Olivier Niquette, si t'as pas de Twitter, lui, ça l'intéresse pas. Non, je le sais. Je le sais. Et je te dis, prends du tweet fight puis de la chenoute. Non, mais il y a une grosse nouvelle dans l'actualité, c'est Papa Ragil. Oui. Ça, c'est une émission. C'est Hugo Dumas qui en a parlé, là. Oui. C'est un genre de spin-off d'Infoman, mais culturel, oui, si je comprends bien. Et là, vous êtes en train de monter un pilote qui va être diffusé sur le web. Et là, les gens vont aller sur RTV. Oui, c'est une complexité sans nom. Ah, oui. Et là, les gens vont dire, c'est-tu bon, c'est pas bon? Et peut-être ça va être en ordre l'année prochaine. chaîne, c'est ça? Oui, c'est bien complexe. Là, ce qui est compliqué, là, si on va faire un résumé rapide, c'est que toutes les entrevues que je donne depuis une semaine, je suis rendu le porte-parole comme des méchants qui flochent des émissions culturelles. Parce que Herbie Moreau a perdu son émission culturelle. Art TV Studio a de moins en moins de temps sur les ondes d'Art TV. Ouais. Bon, il reste des émissions à la TVA, là, mais ça compte pas vraiment. Et, non, mais c'est pas moi qui vole la job à personne. C'est-à-dire que c'est juste. Ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, personne ne vole la job de personne. Tu prends ta place. Tu prends ma place. Mais c'est vrai. Mais non, c'est que tout le monde, je me suis aperçu en faisant les tapis rouges et tout ça, là, dont le gars des Oliviers que vous aimez tant. Oui. Que, Fred. C'est Fred. Hein. Le fun qu'on a eu. C'est qu'on prend. On se prend beaucoup au sérieux dans notre beau monde. Et surtout dans le milieu de l'humour, dans le milieu des arts, dans le milieu du théâtre, dans le milieu de la danse et tout ça. Et nous, on a décidé pourquoi on parle. C'est pas vraiment un spin-off d'Infomad, mais comme c'est le même réalisateur qu'Infomad, le même producteur, puis moi, je suis Infomad aussi, ça va peut-être se ressembler un peu. Ouais. De parler de la culture, mais de manière de le déconstruire. Qu'on parle de la culture, tu sais, en blague ou non, on va en parler. Et puis, on essaye des affaires. Là, je sors du montage, on vient de terminer. Là, je vous donne un scoop. Hé, hey, con. On va montrer des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Une des choses qu'on n'a pas eu le droit de montrer dans les émissions culturelles et les nouvelles, c'est comment Joël Legendre est tombé enceinte. Oh. Et vous avez peut-être déjà vu les vidéos à Taïwan où on présente des moments, par exemple, quand Tiger Woods avait trompé sa femme, on n'avait pas d'image de ça, donc il recrée avec des bonhommes 3D sur Internet. Donc, on va vous montrer en exclusivité comment s'est déroulée la grossesse de Joël Legendre en 3D. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, show-là, à mon avis, ça ne fonctionnera pas, là, mais il va toujours avoir C'est juste la TV. Oui! Une deuxième saison... On est en même temps à la télé. Je sais pas, j'écoute pas ces affaires-là. Non, moi mais, non plus, je peux pas t'écouter, t'es bon. Mais C'est juste la TV, c'est la deuxième année comme panéliste. Oui. Et ça a été une première bonne année pour la nouvelle équipe. Je pense. Pas dans les codes d'écoute, mais honnêtement, c'était bien. Au contraire, on a pratiquement doublé Mon code d'écoute. Dieu! Ah, mais c'est parce que 2x1, ça fait quand même bien que 2. Et, ben non, mais c'est ça que Jean-Philippe, vous êtes à Télé-Québec. Si j'étais vous, je n'irais pas sur le terrain des codes d'écoute, mais on peut y aller si vous voulez. Ben ouais, avec les codes d'écoute qu'on a, je pense qu'on est prêt à y aller. Oh oui. Sauf les soirs de match, mais ça, c'est pas de votre faute. Ça, les soirs de match, il n'y a pas de TV. Non, mais blague à part, on a réussi, dans deux émissions en compétition, à se parler quand même, puis à rester amis. Ben, amis, c'est un grand mot. Toi puis moi. On s'adresse la parole quand on se voit. Toi puis moi, ça va. Ça va très bien. Ouais. Oui. Bon, mais c'est ça. Non, c'est ça. J'ai même mis un de vos, pas toi, mais l'autre. Je sais. Dans mon Saint-Malume, à un moment donné, qui a fait une bonne entrevue. Puis il a fait une bonne entrevue. Il en fait plus qu'une par année, vierge. Arrange-toi avec. Mais non, mais je peux pas aller toutes les semaines vous prendre. Toujours bien de bout de calvance. C'est ça qui m'a maudit. Là. OK. Mais après une année de bilan, là, est-ce que vous étiez bon? Écoute, il y a plusieurs choses. Les gens, ils ont exagéré ça aussi, là, le monde. Bon Dieu, vous êtes critique télévision, puis vous nous critiquez. Puis t'es qui, toi, ce que je me fais dire souvent? T'es qui, toi, pour me critiquer à la télé? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? C'était d'ailleurs ma prochaine question. Notre émission n'est pas... Nous autres, on n'est pas des experts en critique. Tu parlais du Gaudibois, lui, c'est son métier. Moi, c'est pas mon métier. Non, c'est ça. On est tous devant la télévision, comme actuellement, il y a des gens devant leur radio à nous écouter, puis ils ont des commentaires. Ouais. Le gars qui parle en ce moment a une voix de schnoute, il parle du nez, c'est pas toujours pertinent ce qu'il dit, bon, etc. Ouais. Nous, on fait ça, on est comme dans votre salon, on discute de la télévision, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Des fois, des panélistes aiment quelque chose, d'autres détestent. Ouais. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Jean-Michel Dufault, lui, a adoré la pub de mise au jeu où il y a trois humoristes qui font un sitcom. Ouais. Moi, j'ai haï ça pour m'en confesser. On a le droit de le dire, mais un n'a pas raison, l'autre a tort, là, ça arrive. Il y a des gens que j'aime moins leur émission, des gens que j'aime pas, que j'aime ce qu'ils font. Fait qu'on discute. Et le but, c'est qu'à la maison, vous aussi, vous en discutiez, puis vous créez un débat. Ah, moi, je suis pas d'accord avec lui, moi, je suis d'accord avec elle et tout ça. Et je pense que dans ce de là, ben, on a réussi. J'ai surtout réussi à occuper 35-40 heures de ma semaine à écouter de la TV. Puis on en fait de la bonne, on en fait pas juste de la bonne. Ah non, hein? Non. Hey, mais je tiens à souligner quand même que c'est une des plus belles explications de C'est juste la TV que j'ai eu depuis le début de cette émission-là. Non, c'est vrai. Parce que peu importe ce qu'on peut dire sur C'est juste la TV, quand on entend ça, on fait comme, ben oui. C'est tout bien que juste MC Gilles. OK, on en fait de la bonne, on en fait de la moins bonne. Oui. Cette année, en 2013-2014, là, qu'est-ce qui a été très bon, à part Deux hommes en or? À part Deux hommes en or? Écoute, et je vais en surprendre. Moi, je suis quelqu'un qui est libre et puis qui dit des choses. Des fois, les gens sont surpris autant dans ce que j'aime dans ce que j'aime pas. La voix est une excellente émission. Ah, oui. C'est bien fait. Je m'excuse, gang. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes underground, vous êtes hipster, vous êtes dans le Milan, vous êtes dans Bixi. C'est pas mon problème. La question, c'est que c'est un show bien fait. On compare avec la version américaine. Oui, j'ai des bémols. Oui, est-ce que t'as besoin d'être fait écraser par un char pour bien chanter? Je ne pense pas. Ben, eux disent que oui. Chacun a son point de vue là-dessus. Mais je pense que ça, c'était assez beaucoup bien fait. D'accord. J'avais mes deux émissions préférées étaient en même temps et c'est mes émissions préférées pour deux raisons complètement différentes. Jeune Lou, sur les ondes de TVA que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'était malade. Mon émission d'humour préférée. Ah oui, de loin. Et Série Noire en même temps Radio-Canada. Donc j'enregistrais Série Noire et je le regardais après, qui est une œuvre de génie qui a plus ou moins été compris par le public parce qu'il y a 300 000 personnes qui regardent, qui n'est pas peu de gens. Non, il y a quand même pas mal de monde. Mais bon, ça n'a pas été le succès qu'ils voulaient. Je ne l'aurais pas mis en même temps que Jeune Loup parce que moi-même, j'écoutais Jeune Loup en même temps. C'est deux niveaux différents. C'est deux types d'humour. Un lancé-compte du journalisme où je reconnaissais des gens aussi, ce qui m'excite évidemment beaucoup de savoir leur vie privée. Oui, ouais, c'est clair. Parce que Régent et la fiction, c'est deux choses différentes. Il y a besoin d'exemples. Oui. Et puis, à l'autre poste, ben, Série Noire avec de l'excellente musique, tout ça. Je pense que le seul problème, c'est que ça leur a pris 4-5 semaines. Avant de pogner, puis c'est vrai que c'est ça que ça a pris. Ouais, quand télé, c'est long, 4 semaines aujourd'hui. Il faut que tu. Hein? Puis l'autre chose, c'est qu'ils ont essayé des choses. C'est-à-dire que leurs personnages principaux... Ça, c'est deux coups de cœur. Ah oui, excuse-moi. Ça, c'est mes deux coups de cœur. Okay. Les personnages principaux, c'était pas eux les meilleurs personnages, c'est les personnages secondaires. Ben oui. Ça, c'est qu'ils aient essayé quelque chose que personne n'avait jamais fait. Donc, faut... Mais je suis content que Radio-Canada essaie des choses et j'espère qu'ils vont leur donner une saison 2. Ben, mais je trouve que ça tarde, là, avant d'en faire l'annonce. Oui, mais on fera un groupe Facebook. Puis on fera au pire, ils feront comme vous. Ils mettraient ça sur Internet. Si les gens aiment ça, ils feront comme je fais, voilà, ben, un petit budget, puis on met des animations. Les choses qui n'ont pas été regardables cette année à la télévision, en terminant? Ben, moi, mon plus gros, écoute, ça va être un cliché, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça n'a pas de maudit bon sens. Déjà qu'à chaque année, on critiquait à l'époque Call TV, aujourd'hui l'instant gagnant. Ouais. Croyez-le ou non, même si on a gueulé là-dessus, ils ont poursuivi ça jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Donc, toute la nuit, et moi, quand je commençais à le regarder, je vous l'avoue, je le regardais toute la nuit. Seigneur. Donc, de 11 heures à 6 heures le lendemain, ça, c'est un peu une catastrophe nucléaire. Là. C'est pourquoi nous faire endurer. Et le moment de télévision, parce qu'il n'y a pas de pause, les gens animent sans arrêt, il y a comme à la lutte, là, il y avait un tag vers 3 heures du matin, c'est que l'animateur qui avait fait 4 heures à 3 heures venait taper dans la main un autre qui prenait la relève sur le même maudit jeu plate jusqu'à 6 heures le lendemain. Ça, pour moi, c'est un accident de char télévisuel. Ça se fait pas. Puis, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais écoute, je pense que c'est là-dessus qu'on peut terminer. Hein? Je pense que oui. Je m'ennuie de Shirley Theroux à la télé parce qu'on la voit plus. Bergan. C'est mon moment cute. Ça prend un moment cute aussi. Ça, c'est vrai. Ça, hein? Ça, c'est vrai. Ben, travailler sur un projet. Tendre, là. Hein? Travailler, tu viendras me voir sur scène. Ah, à quelle place? Je vais être partout. Partout. Au Québec. Oh. Yeah. À quelle place? C'est comme Jean-Philippe. Tu vas choisir. À quelle place je peux écouter Jean-Philippe? Partout. Non, mais tu vois. OK, continue à parler pendant que oui. Olivier Niquette va parler. Ah de non, toute pas façon. Lui. Ah oui, non, regarde. C'est un peu le Dale Weez de l'écoute de la Radio Jambon et ça fait dire beaucoup de niaiseries, mais ne perd jamais son calme. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Yeah! Bon. Eh bien, comble de ma chance, celui que le PQ privilégiait pour reconquérir le cœur des jeunes de nos jours, le septuagénaire Gilles Duceppe, a annoncé qu'il ne se présenterait pas dans la course à la chefferie. Soupir de soulagement pour Richard Descaries, ancien conseiller de Stephen Harper, qui nous apprenait cette semaine que Duceppe, qui a déjà été membre du Parti communiste il y a 40 ans, était toujours une taupe communiste. Gilles Duceppe, c'est encore la gauche. C'est un ancien communiste avéré. Gilles Duceppe, faut pas l'oublier. Là. C'est un peu... Comme Jack Layton, c'est des communistes très radicaux qui sont déguisés en petits chatons, là, mais ce sont des gens qui prônent des lignes de gauche radicale. Être communiste, c'est déjà quelque chose, mais que Gilles Duceppe soit un communiste radical déguisé en chaton pour infiltrer la politique québécoise, ah ben là, j'en tremble presque autant que lorsqu'un chaton infiltre mon fil Facebook. D'un autre côté, Jérôme Landry et Éric Duhaime s'inquiétaient cette semaine de la tournure que pourraient prendre les consultations publiques autour de l'exploitation d'Anticosti. Je suis inquiet, là, parce que là, si on se lance, Éric, dans des consultations, on n'a pu finir, là. Tu sais qui va être là. C'est les enverdeurs, parce que le monde qui travaille, là, qui pense que l'État aurait bien besoin des revenus, n'ont pas le temps de se présenter là, nous autres, avec des mémoires. Oui, on va commencer à écrire des affaires, puis aller présenter blogs, ça. Puis aller faire des entrevues. Non, les petits travailleurs comme Landry et Duhaime n'ont pas le temps de faire des entrevues pour faire l'apologie de l'exploitation pétrolière, disent-ils au beau milieu d'une entrevue qui fait l'apologie de l'exploitation pétrolière. Mais si ça peut les rassurer, le lobby pétrolier serait plus actif que jamais au Québec avec 50 lobbyistes inscrits au registre. Monsieur et Madame Tout-le-Monde peuvent continuer à ne pas s'intéresser à la chose. Quelqu'un d'autre s'en occupe. Ils devraient peut-être plutôt s'inquiéter de la nouvelle victime de la commission Charbonneau, les pauvres entrepreneurs forcés à fourrer le système pour survivre. Joanne Marcotte. Cette culture du financement, de cette espèce de forcenat dans laquelle les entreprises se trouvent, sont obligées. Dans le fond, c'est le politique qui les oblige à se travestir et à financer leur parti politique, sans quoi ils ne sont pas sur la liste des gens, ceux qui obtiennent les contrats. Hey, du jamais vu, des entreprises qui doivent faire les guidounes pour obtenir des contrats. J'espère que la commission Charbonneau mettra un terme à tout ça pour que les pauvres entrepreneurs italiens ne subissent plus l'intimidation de Julie Boulay. Le conjoint de Joanne Marcotte, Denis Julien, lui aussi chroniqueur à Radio X à l'émission de Dominique Moret, expliquait de son côté qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire avancer les choses dans la vie. Le moteur principal de l'avancement des choses, c'est la concurrence. Oui. Ton émission, c'est bien de valeur, mais si t'étais tout seul à avoir le droit d'être diffusé à cette heure-là, tu finirais par être moins bon que tu peux l'être parce qu'il y aurait rien pour te pousser dans le derrière. Je suis très, très, très surpris d'apprendre qu'il semble inconcevable pour ces messieurs qu'un animateur de radio puisse être motivé par des idéaux autres que les codes d'écoute, comme bien informer la population ou faire avancer la société. Qui l'eût cru? D'autre part, le docteur Mayou met encore une fois cette semaine à profit son expertise pour nous parler de l'oppression que vivent les homosexuels. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être ouvertement méprisant envers l'homosexualité masculine? Je ne crois pas. Est-ce qu'on comprend bien l'homosexualité masculine à ce jour? Je ne crois pas. Il y a de plus en plus d'évidence qu'on se dirige pour ce qui est de l'homosexualité masculine vers des causes génétiques. Deviens pas fif qui veut. S'indigner du mépris envers les homosexuels et les traiter de fif dans la même phrase, c'est un exploit que seul le Doc Mayou pouvait accomplir et on le félicite. Mais c'est pas de sa faute, hein? Il a fait une surdose de gaieté cette semaine. Et là, c'est le barbu en robe en Autriche. Et j'avais beau pitonner, c'était sur tous les postes de nouvelles. Là, il y avait le gros noir joueur de football en Californie, je sais pas trop où, qui, avec son chum, là, s'embrassait, puis... Ah ben, on peut-tu avoir autre chose? Ben oui, c'était écœurant, il y en a presque plus des hétéros à télé. Heureusement qu'il nous reste un dernier bastion de la virilité, le hockey. Quoique le journalisme sportif est de plus en plus ésotérique, puisqu'il a surtout mis de l'avant cette semaine d'innombrables superstitions et nous a offert environ 12 000 articles sur le gars qui s'est déguisé en Ginette Renault. Même Fred Savard nous a sorti des statistiques qui relevaient de l'astrologie ce matin chez Marie-France Bazot. Mais il reste des vrais experts comme Mario Tremblay pour nous expliquer avant le septième match, pourquoi Canadien allait l'emporter? C'est parce que... Piqué-Chauvin est après mettre Chara dans ses petites culottes. Et voilà. Et si Chara entre dans les petites culottes de Subban, imaginez Martin Saint-Louis qui mesure à peine 5 pieds. C'est pourquoi je dis Canadien 4. Hey, on va retrouver Jean-Sébastien Girard pour la dernière fois. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe, nous croulons littéralement sous les courriels s'adressant à Mme Marie-Claude Lavallée. Ben. J'y vais rapidement avec le tout premier. Bonjour, Mme Lavallée. Je pense que vous avez tort de quitter. Les vieux ont leur place dans le débat public. Nous sommes encore pertinents. Il faut que les jeunes arrêtent de nous gruger. Laissez-moi ma piscine et c'est signé Mme Bertrand. Et je suis 100% d'accord que les gens de tous les âges peuvent partir. Au débat, voyons donc. Dernier courriel, déjà. Bonjour, Mme Lavallée. Je suis écartelée entre le fait de me réjouir de la grandeur et de la noblesse de votre geste et par la peine de vous voir quitter nos ondes. Mine de rien, vous incarnez une des figures les plus rassurantes et sympathiques de Radio-Canada. Merci pour tout ce que vous avez fait et à bientôt, j'espère. C'est très, très rare qu'on soit d'aussi beaux courriels comme ça. Et c'est signé, J.S. Girard. Ah! Attends, je vais l'embrasser. Seigneur! Oh! OK, là, c'est beau, franchement. Moi, la complaisance. Oh non, gars. On est bien dans mon bureau. C'est vrai, Madame Lavallée, il paraît que vous imitez les oiseaux. Ah, des beaux oiseaux. Mon Dieu, un goéland, c'était pareil. Madame Lavallée, merci beaucoup et à très bientôt. Ah, mon Dieu. Merci, Jean-Sébastien. Non, c'est pas Madame Lavallée, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, et salut, Madame Toutou de ma part, Jean-Philippe. Oui, promis. Bye-bye. Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire tente de sauver le PQ comme si on avait besoin de ça. Voici donc la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Hey, Jean-Philippe, vous connaissez Mme Toutou? Oui, tout à fait. Deux semaines sans vous voir, Cipriani, on était très bien. Vous étiez où quand même? Hey, que ça... ça fait des semaines que je patauge dans les poubelles de l'Assemblée nationale. Je cherche les avis juridiques. Je ne désespère pas. Ouais. Mais quand même, on s'est vu aux Oliviers, hein, MC aussi. Ouais. Sugar Sammy, humoriste de l'année. C'est ça quand il n'y a pas de charte. Hein? personnellement, moi, j'aurais remis l'Olivier de l'humoriste de l'année à Bernard Drainville pour ses explications sur les avis juridiques. Celui de série humoristique, je suis d'accord. Hein, les jeunes loups, ça aurait été très bon. Très bon. Puis comique malgré eux, deux hommes en or. Moi, je trouve, je suis bien déçu que vous ne l'ayez pas gagné. On va parler d'autre chose. OK, Gilles Duceppe qui va pas à chefferie du PQ. Oui, hey, Gilles Duceppe, je le cite, hein, je n'y vais pas. Selon des témoins, par contre, à la vue des sondages, c'est plutôt dans sa tête la phrase « Êtes-vous craqué mental » qui aurait résonné plutôt que « Je n'y vais pas ». Et devant la perspective d'une course Drainville, Lisée, PKP, là, le PQ se cherche un messie. Et on est en train d'essayer de convaincre Ginette Renault hein, de se présenter. Ah oui? Le cœur y est pas, ça a l'air, mais... mais je reprends l'idée du collègue Jérôme Boucher de chez à Québec. Elle aurait pu pourtant chanter les enjeux pour le PQ. Hein? Si je pouvais remixer la charte, ce serait pas si mal. L'essentiel, c'est PKP. Le reste importe peu, la seule vérité. Mais moi, je ne suis qu'une hausse de tarifs. Hein? Hey, y a du talent dans ce petit monsieur-là, ça je chante. Je tabletterai des rapports importants pour déjeuner. Hein? T'es mon amour, t'es ma faiblesse, en hommage à Claude Blanchet. Puis t'as eu l'odieux de dire qu'on aurait pu gagner le comique malgré lui. Et pour les sondages... Seigneur. Et pour les sondages, un peu plus bas, un peu plus rien. Non, non. Mais il n'y a pas juste Ginette. On lorgne aussi la mairesse de Mégantic, hein, Colette Roy-Laroche, hein, habile à éteindre des feux. Mylène Paquette, qui a des qualités pour ramer longtemps dans la tempête sans jamais voir l'horizon. Hein. Et certains... Oui, non, c'est vrai. Beaucoup... Mais, oui. Ben, c'est ça, oui, allez-y. Ah, ben, je sais pas, moi, je vous laisse seul avec votre maudite chronique de marde. Bernard Landry, en tout cas, dit qu'il pourrait aussi... être parti pour un renouveau, lui-là. Ah, mais Shirley pourrait la chanter là-dessus. Ben, c'est clair, tu sais, c'est pas juste c'est beau un homme, là, Shirley, elle l'a dit, hein, c'est on ne meurt pas à 40 ans. Bon, le PQ en a quoi, 46? Oui, ça... ça commence à tomber. En là. Plus, vous avez fait Il y a plein de soleil, hein, avec Roger Joubert, Tex Lecor, Léo Bureau-Blouin. c'est très bon, ça. Il dans sa jeune jeunesse à l'époque. Ben oui, puis Toto et Toutoune, hein, je laisse deviner dans le gouvernement Couillard qui est Toto, qui est Toutoune. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Franchement! On attend vos réponses, hashtag la soirée. OK. Bon. Mais justement, parlant de Julie Boulet, ça va pas très bien hein, pour elle? Ben, ouais. Une femme, moi, pourtant, je dois dire, vive d'esprit, allumée, consciente de son entourage. Un peu de misère avec ses souvenirs. Oui, c'est ça, comme, avec elle. C'est comme s'il était loin dans le tiroir de la mémoire. Hein. Mais elle n'a jamais fait de financement, jamais vendu de cartes, jamais été ministre, députée. Elle n'a jamais pris de PO de sa vie, cette femme-là. C'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, si elle vous a prescrit des médicaments à quelqu'un quand elle était pharmacienne, elle ne sait probablement pas ce que vous a prescrit. Just saying. tout ce qu'on sait, c'est que les petites boîtes à pilules, c'était un cadeau. Mais Julie Boulet, on le sait, on le prononce Boulet, mais Guy Bertrand, le premier conseiller linguistique de Radio-Canada, vient d'émettre une suggestion de que c'est désormais plus avisé de prononcer boulet. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. C'est déjà terminé. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, Ariane Rasco, tout le côté, Jean Gagnon, Philippe Robert. Un gros merci à nos invités de ce soir. Hey, là. Cet été, on va sur le web à RTV pour aimer Papa Ragile. 9 juin. RTV. Et puis là, on dit qu'on aime ça pour voir ça à l'antenne d'RTV l'année prochaine. Certainement. Merci. Merci à toi. Et on va voir les spectacles de Shirley Theroux tout l'été. Non. À l'automne. Ah, mon Dieu. À l'automne, c'est comme l'animalerie, ça. Ah ouais? À l'automne, Terrebonne, Belle-Oeil, partout. Partout. Toutes tes belles places. Merci, Shirley. Vous nous mettez en balado si vous voulez écouter l'émission. Évidemment, c'est sur iTunes. On fait les enregistrements les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel si vous voulez venir assister la semaine prochaine. On a Réal Bossé qui vient à l'émission. Bon, on essaie... On attend pour quelqu'un d'autre. Je reviendrai! Et t'as même, c'est Gilles! J'ai jamais mon type. Je vais te profiter de cette soirée qui est encore chère.